Ses fonctions, et ils font le pari des chiffres et de la raison. Sa coupe est sous les sous violentes et la descente. Le calcul est aride, la matière est vivante. Bordel, se douche, bordel, se mouche, bordel, se douche. Le calcul est varié, la matière est vivante. On a ce mouche, on a ce mouche, on a ce mouche, on a ce mouche, on a ce mouche, on a ce mouche. Bordel se mouche. Bordel se touche.